Combo na yo jo va gérer le dieu qui pouvoir aux alinta benanga yo ko bongwa na kati ya we Dieu qui guérit aux alinta benanga yo ko bongwa na kati ya we Sengilipa, yoko pesa liba mate yozali tambe na boli. Yoko bongwa na kate ya we. Zambe na robaki tole mbeter Malembe malembe Kolo za kosala Soki nataleli ebale Ebale eko tiola Soki nataleli mzete Zete eko kauka Soki nataleli lingomba Lingomba eko panzana Soki nataleli moto Mawana oya kumikana moto Soki nataleli banoko, banoko bazana oya pango bana Soki nataleli baboti, pango bako kiko wa Natalela yonzambe, koko bongwa na kate Nozala kina bako kubangai, lelo nangalo bina bana nanga Et le peuple qui marchait dans les ténèbres, une voix soudain humiliée Isaïe chapitre 9 verset 1 Alléluia ah, ah. Oh, oh, oh, oh, oh. Alléluia ah, ah. Oh, oh, oh, oh, oh. Et le peuple qui habite le pays de l'ombre de la mort voit une lumière resplendie Batou ni ngai wabiza mbela yo Naya noli eza yesu masia Yende moto abikisi ngai Aleloyo lana yesu masia Mokonzi nanga lana yesu masia Na ebisa bino kombo na eza lina nye Jesu Christ Jende talo tanke kumaba momo babe Mobali Jesus Christ Sobeta mi lolo, mi lolo, mi lolo, mi lolo Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ Le Saint de Saint.